dans la maison, je monte en haut les escaliers. Jean-Mi, chérie, maison, quoi, tu veux pas, tu vas le regretter. Viens là que je t'attrape, viens là que je te frappe. Viens là, ça va freiner, mais qu'est-ce que tu as charlé? Pas de femme, pas de larmes. Fatigué, après dure journée, je viens me défouler. C'est pas de ma faute, je suis susceptible. C'est pas de ma faute, je suis irascible. C'est pas de ma faute, tu me fais chier. Mais qu'est-ce que t'as chialé? Pas de femme, pas de larmes. Pas de femme, pas de larmes. Pas de femme, pas de larmes. Dans la maison et je cherche de quoi me saouler. Putain, t'as rien acheté, maintenant tu vas le payer. T'es pas foutu d'acheter ma bière, t'es pas foutu de taper par terre, t'es pas foutu de me rassager. Mais qu'est-ce que t'as chialé? Pas de femme, pas de larme. Pas de femme, pas de larme. Pas de femme, pas de larme. Pas de femme, pas de larmes.